The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances, que vous vous êtes remplis les yeux de bons films. Et Toiles et Sillons reprend pour vous faire écouter toujours des musiques de films et des chansons de films. Toiles et Sillons, cette année encore, sera l'émission qui écoute le cinéma. Je vous rappelle tous les moyens de retrouver Toiles et Sillons, bien sûr à la radio chaque semaine, mais aussi sur le site internet de l'émission. toilesetsillons.fr. Vous pourrez retrouver après sa diffusion l'émission à écouter en direct sur le site, à télécharger, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour la recevoir directement chez vous, toilesetsillons.fr. Il y aura également la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons où vous aurez des infos sur ce qu'on écoute dans l'émission. Nous allons commencer cette saison comme tous les ans par un spécial film de l'été. Je vais vous laisser avec les bandes annonces et les musiques des films qui ont peuplé votre été. Mais il y en a eu tellement que nous ferons deux émissions sur les films de l'été. On écoutera notamment Insaisissable 2, L'âge de glace 5, Independence Day Resurgence, Le bon gros géant, les Ninja Turtles, Genius, La tortue rouge, Tarzan, Suicide Squad, et on finira par une petite surprise. Je vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission, mais pour l'instant, je vous laisse avec les films de cet été 2015. On m'accuse d'être un manipulateur. Contrairement aux êtres humains, ce que je vais essayer de contrôler maintenant est très facile à manipuler. Stop. Et on remonte. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours? Je vous demande d'accueillir les quatre cavaliers. Et moi, je suis la cavalière. Wouh! Ouais! Non? Vous m'entendez, les cavaliers? Vous récolterez ce que vous avez semé, et vous serez les premiers étonnés. Les maîtres de l'illusion dans un tour de magie planétaire. Tout le monde sort de scène. On a sauté d'un toit à New York. Mais où on est, là? Et on a atterri en Chine. Comment c'est possible? Quelqu'un a fait plus fort que nous, ok? Je sais pas comment. Oui, vous êtes tombés dans un piège. Ta-da! C'est la clé pour accéder à tous les systèmes informatiques du monde. Je veux que vous la voliez pour moi. Tournez-vous. Hey, je peux le faire toute seule. Où sont les cavaliers? Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Merci de votre accueil. Il n'y a pas longtemps, on s'est fait piéger. Salut! La réalité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. Thank you. et des temps, nous nous demandons ce qui est à l'origine de l'univers. Un schéma merveilleusement orchestré ou quelque chose de beaucoup, beaucoup plus bête. Ma femelle pour la vie. C'est fini entre nous. Quoi ? En plus, tu ressembles pas du tout à ta photo de profil. Cette année... Je veux pas grand-chose, juste le grand amour. J'ai vraiment trop demandé. Regardez, deux étoiles filantes. Je vais faire un vœu. Je veux la fille de mes rêves. Sid a fait un vœu, on est mort. Une pluie de météorites. Ça sent mauvais, ça. Ah ouais. 20th Century Fox présente... Salut, mammifère! Buck, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est qu'un début. Le plus gros des astéroïdes se dirige tout droit vers nous! Faut qu'on aille là où les autres sont tombés, qu'on cherche des indices et qu'on trouve un moyen de l'arrêter! Qui est avec moi? Cracher, lui, toujours prêt en cas de besoin! À faire nos besoins! Oh, quelle misère! Wouh! On est trop, trop classe! Ce serait pas un problème, ça, franchement! Tu es jolie, toi. Oh. Arrêtez vos âneries. Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck et Scrat. Vous permettez? Casseur d'ambiance! Attention! Vite, vite! Tous dans la grotte! Dépêche-toi, mémé! Ne dis pas de me dépêcher. J'ai été frappé par la foudre plus souvent. Mémé! Que tu n'as eu de petit déjeuner dans ta vie? L'âge de glace, les lois de l'univers. J'ai l'impression que ça se calme. Oui, je confirme, je suis complètement diable. À part celui-là. Thank you. trouvé quelque chose ici. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir comprendre. Oh mon Dieu. Pendant 20 ans, j'ai tout fait pour qu'on soit préparé à ça. On s'est servi de leur technologie pour renforcer les défenses de notre planète. Mais ce ne sera pas suffisant. Je les vois dans mes rêves. Ils reviennent. Aujourd'hui, vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. On se replie. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de... Il est vraiment, vraiment plus gros que la dernière fois. C'était l'heure des ombres, quand le croque-mitaine arrive. Leafy croit que l'heure des ombres arrive à minuit. Moi, je crois qu'elle arrive à 3 heures. Quand je suis la seule éveillée. Comme maintenant. Où suis-je ? au pays des géants. Que j'ai entendu ton petit cœur solitaire. Moi, j'entends tous les secrets murmurés du monde. Microbe. Sophie, cache-toi. Tu aurais pas un petit doudou? On s'équipe, les gars. This is my recital. Moucheron sur le fourgon. I think it's very vital. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Il y en a des millions. Quoi, une bande de super-héros? Juste quatre frères qui détestent les brutes. Et qui kiffent cette ville. Wow, wow. Comment vous vous appelez? Casey Jones. Enchanté. Y'a un truc entre vous, là, ou quoi? Je recherche des hommes de main. Ça va être génial! Tu nous ressors le style Iroquois, mec? Ça te va bien? Vous êtes des petits marrants, hein? Mais pourquoi on n'est pas avec les tortues? Quand ça part en vrille, faut être avec les tortues! Thank you. Super Kids. Vous devez être Thomas Wolfe. Je préfère me faire rejeter par courrier, mais je voulais rencontrer l'homme qui a découvert Hemingway, F. Scott Fitzgerald, et a reconnu ses génies. Tous ces fumiers d'éditeurs de New York détestent mon livre. Monsieur Wolfe, nous souhaitons publier votre roman. Ha. Max, je te présente Madame Bernstein. Monsieur Perkins. C'est la première à m'avoir dit que mon écriture avait la moindre valeur. On te qualifie de génie, prends garde. Maintenant que je suis une vedette chez Scribner, j'ai mérité de mener la grande vie. Max nous a parlé d'un nouveau roman. Il parle de l'Amérique, tout le continent. J'ai mon nouveau roman. Apportez-le, messieurs. Le voilà. On peut y arriver. En combien de temps ? 9 mois, si tu résistes à la tentation d'ajouter un mot. Je dois pouvoir en ajouter. Il fait déjà 5000 pages, ce manuscrit. Message reçu. Alors, on coupe, on coupe, on coupe. Tu travailles tous les soirs depuis 2 ans. Tu imagines ce que c'est de se retrouver dans un appartement vide tous les soirs ? Je l'ai perdu. Il est à votre mari. Tes filles ont besoin de leur père. C'est mon métier, je dois le faire. On a coupé qu'une centaine de pages en 2 ans. Je te donne des mots forgés avec mes tripes. Tu ferais pas ça à Hemingway, à Fitzgerald ? C'est bon. Pour qui tu te prends, là ? T'as vraiment la truie de vivre ? Il y a d'autres façons de vivre. Ceux qui t'aiment sont maudits parce que malgré tes millions de mots flamboyants, tu n'as absolument aucune idée du sens du mot vivre. Max est persuadé de m'avoir créé. Il m'a estropié. Il a déformé mon œuvre. Il a réalisé ton rêve le plus fou. Il t'a offert une carrière. Regarde ce que tu as fait de moi. Tu m'as fait du mal. Je ne peux pas tourner le dos à mon travail. Tu dois choisir, Tom. Maintenant. C'est ce qui empêche tous les éditeurs de fermer l'œil. Rendons-nous les romans meilleurs ou simplement différents. De toute ma vie, avant notre rencontre, je n'avais jamais eu d'amis. Tu es très loin d'imaginer ce que j'ai traversé pour pouvoir te regarder et ressentir rien du tout. Un écrivain comme Tom, je n'en aurai qu'un dans ma vie. Tes 5 filles n'ont qu'un père qui n'a qu'une vie. Je t'ai apporté un paragraphe à ajouter au roman. Oh, il est indispensable. Si tu ajoutes encore des paragraphes, on est fichu. Ce roman est dédié à Maxwell Evarts Perkins. L'auteur ose espérer que ce roman s'avérera digne de lui. Mr. Perkins, you must be Thomas Wolfe. Prefer to get my rejections in the mail, but I wanted to meet you. Man who first read Hemingway, F. Scott Fitzgerald, and said genius. Well, every son of a bitch publisher in New York hates my book. Mr. Wolfe, we intend to publish your book. Max, this is Mrs. Bernstein. Mr. Perkins. She's the first person who told me my writing was worth anything. Calling you a genius, God help you. Now I'm a Scribner's bestseller. I deserve a little of the highlight. Max tells us you're working on a new book. It's about America. All of it. I have it, a new book. Bring it in, guys. Here you go. We can do it. How long? 9 months. If you resist the temptation to add more. I have to be able to add more. The book is 5,000 pages long. Point taken. All right. Cut, cut, cut. You've been working every night for 2 years. Do you have any idea what it's like coming home to an empty apartment every night? I've lost him to your husband. Your daughters, they want their father back. My job is what I do. 2 years and the book's only 100 pages shorter. I bring you stuff wrenched right from my gut. You wouldn't do this to Hemingway, to Fitzgerald. Stop it. You of all people just so damn scared to live. There are other ways to live. God help anyone who loves you, Tom, because for all your millions of beautiful words, you haven't the slightest idea of what it means to be alive. Max thinks he created me. He crippled me. He deformed my work. He made all your dreams come true. He gave you a career. Look what you have done to me. You hurt me. I can't turn my back on the work. Make your choice, Tom, right now. That's what we editors lose sleep over, you know? Are you really making books better? Or just making them different? In all my life, until I met you, I never had a friend. You have no idea what I had to go through so I can look at you and feel nothing. A writer like Tom, I get one in a lifetime. You get your daughters for the same lifetime. There's one paragraph I have to add to the book. My God. I have to add. Start adding paragraphs, we're sunk. This book is dedicated to Maxwell Evarts Perkins. The author hopes this book will prove worthy of him. Thank you. Jamais nous ne survivrons. J'ai fait l'impossible pour protéger ma famille. Aujourd'hui, j'ai enterré ma femme. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Vous êtes Tarzan. Même si vous n'aimiez pas où vous viviez, même si vous y aviez des ennemis, il vous faut y retourner. Le côté sauvage de votre époux m'inquiète. J'ai besoin de vous entendre crier. Des cris de demoiselle. Lui, c'est Tarzan. Et vous, Jane? Il viendra pour vous. Avec ce millier d'hommes en bas et 20 000 autres en route, on n'aura pas une chance. Un homme ordinaire est capable de l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Mon époux n'est pas un homme ordinaire. Ça n'a pas été sans mal, mais je les tiens enfin. Les pires racailles qui soient. Où sont-ils ? Disons que je les ai flanqués dans un trou et que j'ai jeté le trou. Amanda, selon la rumeur, certains d'entre eux auraient des aptitudes. Ça, oui. J'en ai vu des choses. Peut-être que Superman a été une sorte de flambeau qui les a fait sortir à quatre pattes des ténèbres. Je veux réunir les individus les plus dangereux de la planète dans une unité d'intervention. Je crois qu'ils pourraient être utiles. Ce sont bien des méchants. Oui, c'est exact. Ainsi, si ça tourne mal, on leur fait porter le chapeau. On a un démenti tout trouvé. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous les contrôlerez ? C'est mon métier de faire en sorte que les gens aillent contre leur intérêt. Vous n'avez qu'une chose à savoir, vous travaillez pour moi. Alors c'est comme ça. On est des pigeons, hein ? Une sorte de brigade suicide. Allons sauver la planète ! C'est bien ce qu'on raconte sur les fous, non ? Quoi ? Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super. Super. Mal. Et voilà, nous avons entendu les musiques de Brian Tyler, John Debney, Harald Closer et Thomas Wander, John Williams, Steve Jablonski. Nous avons entendu les musiques de Laurent Pérez Delmar, Rupert Gregson Williams et à l'instant, c'était Steven Price pour Suicide Squad. Et nous allons terminer ce premier Toiles et Sillons de la rentrée. N'oubliez pas donc le site internet toilesetsillons.fr pour le podcast, l'écoute en direct ou le téléchargement et la page Facebook Toiles et Sillons pour être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. La semaine prochaine, nous parlerons de SOS Fantômes, nouvelle version, avec cette fois une équipe de filles qui chassent les fantômes, mais dans les années 80, Ghostbusters, avec entre autres Bill Murray et Dan Aykroyd, eh bien c'était surtout cette chanson de Ray Parker Jr., Ghostbusters. On va se quitter avec Ray Parker Jr. et cette chanson de SOS Fantômes dans les années 80, Ghostbusters. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut!